Cephas et Thaddée, en Syrie. Acte de Thaddaeus en Syrie, Mal en 1871. Ce matin Jésus alla près du lac, entre la vallée Gérasa et Bethsaïd-Juliade, un quart de lieue de la maison de Matthieu où il passa la nuit. Pierre et André étaient occupés à disposer leurs filets pour se préparer à aller au large, quand Jésus leur cria. « Venez suivez-moi, je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils laissèrent là leur travail et abordèrent à terre. « Tu es Simon fils de Jonas. À l'avenir tu t'appelleras Cephas. » Jésus marcha encore un peu le long du rivage jusqu'où était la barque de Zébédée qui réparait ses filets avec ses fils Jacques et Jean, sur l'autre bateau. Jésus leur dit aussi de venir, ils descendirent alors à terre. Zébédée resta dans la barque avec les serviteurs. Jésus les envoya dans la montagne avec l'ordre de donner le baptême aux païens qui les demanderaient. Il les avait déjà préparés hier matin. Jésus et une partie des disciples, dont Saturnin spécialement chargé de baptiser, se rendirent dans les environs de Bethsaïd-Juliade, alors que Pierre et André, ministres du baptême, avec les autres pêcheurs et quelques disciples, gravirent la montagne au nord-est et descendirent dans une vallée arrosée par un petit ruisseau. Il y avait là un campement de païens dont Jésus avait déjà préparé une partie au baptême les jours précédents. Ceux-ci allèrent à la rencontre des disciples auxquels ils demandèrent le baptême. André les baptisa d'une nouvelle manière. On apporta de l'eau puisée au ruisseau dans un bassin, les aspirants se rangèrent en cercle, agenouillés, les mains en croix sur la poitrine, il y avait des enfants de 3 à 6 ans, Pierre tenait le bassin. André prenait de l'eau dans sa main, en aspergea 3 fois la tête de 3 aspirants et prononça les paroles sacramentelles, les autres disciples circulaient autour d'eux et leur imposaient les mains. Ceux qui venaient d'être baptisés étaient remplacés par d'autres. Il y eut des pauses par intervalles et les disciples racontèrent les paraboles qui étaient à leur portée et le parlèrent de Jésus, de ses enseignements, de ses miracles, expliquant aux Juifs ce qu'ils ne connaissaient pas encore des lois et des promesses divines. Pierre se distinguait surtout par le zèle et la chaleur avec laquelle il racontait. Jean parla bien aussi, comme Jacques de son côté. Jésus enseignait dans une autre vallée et Saturnin baptisait près de lui. Après la séparation des apôtres, Simon et Jude Thaddée, les deux frères, allèrent ensemble jusqu'à Bétharan avec leurs compagnons. Simon, Thaddée, Jacques le mineur, et José Bersaba sont les fils de Marie de Cléophas. Son mari est Alphée, son père s'appelle Cléophas. Ils n'avaient pas été compagnons d'enfance de Jésus, car ils n'habitaient pas la même ville. Simon partit du côté de la mer Noire et la Cilicie, Thaddée se dirigea au Levant. Après la mort de Marie, Thaddée partit pour la Perse. Il avait avec lui un disciple nommé Abdias, et d'autres encore. Après avoir parcouru des pays très éloignés les uns des autres, les deux frères se rencontrèrent de nouveau dans un camp d'hommes de guerre par une disposition de la Providence. Au commencement Thaddée avait une houlette de berger, comme tous les autres apôtres. Fin de la vision d'Émorique. Voici ce qui arriva quand les apôtres étaient réunis au mont des Oliviers, au moment de tirer les lots du monde ou annoncer la nouvelle du royaume de notre Seigneur Jésus. Le lot d'aller en Syrie échut à Thaddée, et il dit à Cephas. Viens avec moi dans ce pays, frère. Attends, je vais t'y amener en paix. Disant ces mots, le Seigneur arriva au milieu d'eux sous forme d'une belle jeunesse, et il dit à Cephas. Paix à toi capitaine de l'Église. Paix à toi Thaddée. Ne crains pas, je serai avec toi jusqu'à ce que s'accomplisse ton martyre. Seigneur, sois avec nous à chaque endroit que nous annoncerons, lui dirent-ils. Le Seigneur leur donna sa paix, puis il monta au ciel devant eux dans une grande gloire. Ils s'en allèrent en paix. Arrivés près de la ville, Thaddée dit à Cephas. J'aimerais savoir ce qui nous allons rencontrer dans cette ville. Je ne sais pas. Je vois un vieil homme partir labourer son champ. Allons lui demander s'il a du pain à nous donner à manger, Et s'il répond qu'il en donnera, alors nous saurons que nous rencontrerons ici du bien. S'il dit qu'il n'en a pas, nous serons grandement éprouvés dans cette ville. » Ils approchèrent de lui, et Sépha dit : « Paix à toi, vieil homme. Si tu as du pain, donne-nous en à manger. » « Je n'en ai pas, » répondit le vieil homme, « mais attendez ici avec ces bœufs jusqu'à ce que j'en rapporte pour que vous mangiez. Si tu nous apportes un peu à manger, nous attendrons ici avec ces bœufs. Sont-ils à toi ? » ?»« Non, je les ai empruntés, » dit le vieil homme. « Ce champ est-il à toi ? » ?»« Oui, il est à moi. » « Va en paix jusqu'à ton retour. » Une fois parti, Sépha dit à Thaddée : « C'est honteux pour nous de rester ici, sans rien faire avec ces bœufs, pendant que le vieil homme est parti nous faire un service. » Sépha se saignit les reins, prit la charrue, et appela les bœufs à labourer. Thaddée lui dit : « Pourquoi prendre cette obligation en main, frère ? Tu es l'aîné placé à un haut rang et l'honneur repose entre tes bras. N'assume pas un travail comme celui-ci pendant que je me tiens à côté de toi qui est plus grand que moi. » Thaddée prit la charrue de Sépha et se mit à labourer. Sépha prit les paniers qui étaient pleins de grains, il les bénit. « Ô Seigneur Jésus-Christ, que ta bénédiction descende sur moi et sur ce champ. Que la bénédiction de Dieu soit sur ce champ. » dit Thaddée. Ils firent 30 sillons le temps que l'homme partit chercher du pain pour les apôtres, la semence germa au même instant et les épis se formèrent pleins de grains. Lorsque l'homme revint à son champ et vit ce que les apôtres avaient fait, il dit : « Ô Seigneur, qui êtes-vous ? Dites-moi d'où vous êtes, car je vous suivrai où que vous allez. » Il tomba aux pieds des apôtres et dit : « Vraiment vous êtes des dieux du ciel descendus sur terre. » Sépha le releva et dit : « Lève-toi homme. Nous sommes les servants de Jésus-Christ, les envoyés apôtres du roi, qui nous a donné autorité et pouvoir en grâce et connaissance de l'Esprit pour l'enseigner aux hommes, et leur annoncer qu'ils doivent se repentir de leurs agissements pour hériter de la vie éternelle. Aime Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. » « Oui, je le veux. » dit l'homme. « Ne tue pas, ne commets pas d'adultère, ne jure pas faussement, ne fais pas aux autres ce que tu es toi-même. Tu hériteras la vie éternelle si tu appliques ce que je te dis. Si pour vous je fais cela, que faire de plus en retour du bien que vous avez fait pour moi ? » dit l'homme, « car vous avez rendu mon champ fertile en rien de temps. Je vais laisser ces bœufs et vous suivre où vous irez. « As-tu une femme et des enfants ?» dit Sépha. « Oui. Ne te charge pas de faire ainsi, mais prends ces bœufs et retourne-les à leur propriétaire, que ta femme sache que nous sommes ici pour qu'elle prépare de quoi manger dans ta maison. Nous désirons venir dans cette ville dans l'intention d'y rester jusqu'à ce que le Seigneur Jésus-Christ nous rappelle d'ici. » L'homme prit dans sa main un épi du champ labouré par les apôtres et partit avec les bœufs. Arrivés à l'entrée de la ville, les gens virent l'épi qui était dans sa main et dirent : « Comment as-tu eu cet épi vert alors qu'on est seulement au temps du labourage ? » Il ne dit pas un mot et continua à conduire les bœufs devant lui pour les ramener à leur propriétaire. Arrivé chez lui, il prépara de son mieux pour servir dignement les apôtres. Pendant ce temps-là, la rumeur arriva aux oreilles des anciens de la ville qui envoyèrent demander : « Comment as-tu eu cet épi vert ? Le roi nous en a demandé des nouvelles, et si tu ne veux pas nous le dire, nous te mettrons cruellement à mort. » « Je n'ai pas peur, » leur dit l'homme, « car j'ai trouvé la vie. Si vous voulez écouter un témoin digne de foi, écoutez alors ce que je vais vous dire. Quand je partis labourer, deux hommes sont passés près de moi pour me demander si j'avais du pain à manger. Je n'en avais pas avec moi à ce moment et je leur dis d'attendre près des bœufs pendant que j'allais en rapporter pour qu'ils mangent. Je suis allé chez moi prendre du pain et à mon retour j'ai trouvé mon champ semé, germé, et tous les épis verts pleins de grains. C'est de là que vient cet épi. Les deux hommes sont en dehors de la ville. Va nous amener ces hommes, lui dirent les anciens. Attendez un peu, car je leur ai préparé de quoi manger à ma maison et qu'ils se reposent. Venez si vous souhaitez les voir, dit l'homme. Mais entre-temps Satan remplit leur cœur de mauvaises pensées, et ils commencèrent à se lamenter. Malheur, malheur à nous. Ces deux hommes font partie des 12 magiciens que nous avons entendus parler qui marchent partout en trompant les gens par leurs sortilèges. Que faire? Ne les laissons pas entrer dans notre ville. Certains hommes qui étaient présents dirent. S'ils sont magiciens, allons les mettre à mort. Pas ainsi, ne disons pas que nous voulons les tuer, car nous avons entendu que le roi Jésus fait pour eux tout ce qu'ils lui demandent, de peur qu'ils fassent descendre sur nous le feu du ciel et nous détruisent, nous ne pouvons pas les mettre à mort. Nous avons entendu qu'il haïsse les adultères. Prenons une prostituée et plaçons-la sans vêtements en dehors de la ville. Quand ils la verront, ils partiront et reviendront sur leur intention de venir en ville. Alors ils allèrent chercher une prostituée, lui ôtèrent ses vêtements, et la mirent à l'entrée de la ville. Quand les apôtres virent cette femme nue pour leur faire comprendre de quel genre elle était, Thaddée dit à Céphas. Ô frère, regarde cette femme comment Satan l'a égarée au point de tenter Dieu et ses servants. Tu as autorité et pouvoir, demande-lui ce que tu veux. Ô Seigneur Jésus-Christ, je te prie d'envoyer l'archange Michaël pour prendre cette femme par les cheveux jusqu'à ce que nous entrons dans la ville et de la ramener à terre quand nous en sortirons. Aux yeux de tous les anciens, la femme fut aussitôt suspendue par ses cheveux sans voir qui la tenait. Elle se mit à crier. Ô Dieu, sois juge entre moi et les anciens qui m'ont mise dans cette honte. Car même que j'aurais continué mon péché dans ma maison, les apôtres du Seigneur venus délivrer tous les pécheurs de leurs agissements m'auraient aussi délivré de mes péchés. Vous les jeunes que j'ai égarés par mes ruses. Repentez-vous et demandez aux envoyés de notre Seigneur de ma part de me dire quoi faire. Même alors que cette femme continuait à parler de cette manière, pas un homme de la ville ne la crut parce que Satan avait endurci leur cœur. Céphas dit à Thaddée. Mettons-nous en prière pour dire au Seigneur de nous aider, car Satan a endurci le cœur de ces gens. Tous deux se levèrent prier. Ô Dieu Seigneur Tout-Puissant, qui a commandé à tes enfants de faire appel à toi dans le temps de la détresse pour se faire entendre de toi. Entends-nous Seigneur, aie pitié de nous ici même. Pendant que les apôtres priaient, Michaël descendit vers eux et chassa les esprits impurs, qui contrôlaient les esprits des hommes de la ville. Céphas et Thaddée entrèrent dans la ville annoncer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tous les habitants de la ville crurent, il n'y en eut pas un qui ne crut pas ainsi que la femme suspendue dans l'air, qui fut ramenée à terre. Après avoir placé des hommes pour le service divin, ils les baptisèrent tous au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Et la femme qui avait été emportée dans les airs, ils firent d'elle une servante de l'Église. Ils guérirent les malades, ouvrirent les yeux des aveugles, firent parler les muets, entendre les sourds, jusqu'à ce que tous les habitants de la ville furent délivrés, et ils furent enseignés de la connaissance de Dieu. Dans sa colère, Satan reprit ses agissements et entra dans le cœur d'un jeune riche amoureux de l'argent, et le mit contre les apôtres afin de les confronter. Il vint les saluer et dit « Vous qui êtes des servants élus de Dieu, que voulez-vous que je fasse pour que je vive ? Aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, et de toute ta force, dis Céphas ne tue pas, ne vole pas, ne fais pas d'adultère, ne jure pas par le mensonge. Ne fais pas aux autres ce que tu ne désires pas que les autres fassent pour toi. Si je fais tout ça, pourrais-je faire des miracles comme vous ? Dis-nous quel est ton travail et habileté d'homme, répondirent les apôtres. Je ne suis pas un ouvrier, car je possède beaucoup de richesses, dit-il. Dites-moi que voulez-vous que je fasse ? Renonce à tes possessions. Distribue-les aux pauvres de cette ville, lui dirent-ils. À ces paroles de Céphas, ce jeune homme devint très en colère. Il se jeta sur Thaddée et lui prit la gorge, disant « Me conseilles-tu de renoncer à tous mes biens ?» Le Seigneur a dit que si un chameau arrivait à passer par l'œil d'une aiguille, le riche pourrait alors entrer dans le royaume céleste, dit Thaddée. Le riche devint plus en colère contre l'apôtre. Il lui serra la gorge et l'aurait tué n'eût été la force du Seigneur, qui ne le quitta pas des yeux à cause du supplice qu'il subissait, et l'avait fortifié. Céphas lui dit « Sur quelle parole étrangles-tu l'envoyé du Christ ? Je souhaite que tu renonces à tous tes biens, mais tu ne renonces pas même à un seul. Et si tu dis que cette parole n'est pas une vérité, ce sera comme un chameau et l'œil d'une aiguille. » Au même instant un homme et son chameau passèrent près d'eux et ils les stoppèrent. Autant Céphas que Thaddée se mirent à chercher une aiguille dans la boutique d'un marchand, qui fit de son mieux pour servir les apôtres, et trouver une aiguille avec un grand œil. Céphas lui dit « Dieu te bénit mon fils et t'a accepté. Cherche une aiguille avec un grand œil, et que la gloire de Dieu se produise dans cette ville avec grandeur. » L'homme fit comme demandé et trouva l'aiguille. Les apôtres se levèrent pour prier, ils étendirent leurs mains en disant « Ô Seigneur Jésus-Christ, toi qui peux tout faire, nous te prions de recevoir notre prière. Révèle ton pouvoir à ce peuple, pour leur apprendre que tes paroles sont absolument justes et vraies, oui Seigneur. Entends notre demande que tes servantes prient et sois favorable Seigneur, toi qui vois ce que tes envoyés font. Que ce chameau passe à travers l'œil de cette aiguille, afin de glorifier ton nom. » Et Céphas dit à l'homme qui tenait le chameau. Dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Passez, toi et ton chameau, à travers l'œil de cette aiguille. À l'instant même, l'homme et son chameau passèrent à travers l'aiguille. Céphas dit de nouveau. Passez une deuxième fois, pour que ces gens soient sûrs de glorifier le nom de Dieu, car à lui rien n'est impossible. Quand les gens virent encore ce miracle, ils crièrent. Il n'y a aucun autre que Dieu, Seigneur de ces deux envoyés, Céphas et Thaddée. Le riche vit cela et crut aussi. Il déchira ses vêtements et se frappa le visage en disant « Malheur, malheur à moi pour tout le mal que j'ai fait à ce juste. » Il tomba sur le sol, face à terre, pleurant aux pieds des apôtres, et leur dit de prendre tous ses biens pour les distribuer aux pauvres et aux nécessiteux afin que Dieu lui pardonne. Ils firent ce qu'ils désiraient. Ils lui enseignèrent les lois de Moïse et les instructions de la foi, et ils baptisèrent non seulement ce jeune homme, mais tous les habitants de la ville aussi au nom du Père, du Fils, et du Saint-Esprit. Ils leur donnèrent les mystères des saints, le corps et le sang de notre Seigneur. Ils construisirent une église où des hommes furent placés au service et écrivirent un évangile où tous les préceptes sont écrits. Alors les apôtres partirent dans les accompagnements de paix du peuple après que les actes de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ soient produits. Que sa faveur et sa miséricorde soient sur vous à jamais. Amen.